Pauvre petit Rémi, de Thierry Cabot. Poème extrait de Lumière enfantine. Du brouillard dans la prunelle, et d'un pas comme endormi, à l'école maternelle va le tout jeune Rémi. Il est bien petit encore, sa maman lui tient la main. Levé presque avant l'aurore, le voilà donc en chemin. À 4 ans, est-ce une vie de quitter son lit douillet? L'âme soyeuse et ravie, tout à l'heure, il sommeillait. Le vent d'hiver l'accompagne. Il voudrait bien marcher droit. Ses beaux châteaux en Espagne semblent tous avoir pris froid. Allez, va, petit bonhomme, les grands te sèvrent d'amour. Pour 2 crayons, une gomme, tu dois courir dès le jour. Nul ne s'alarme à ta place de mes rêves estropiés, quand, la figure si lasse, tu frissonnes jusqu'aux pieds. À tes magnifiques songes, que pas un ne daigne voir, on préfère nos mensonges et les couleurs du devoir.